Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc il est 0h48. Bonne année à tous et je tenais pas particulièrement faire une petite dédicace, malgré qu'on n'aille pas le droit. Mais là, je vais me le permettre parce que le jeudi, c'est moi qui commande à partir d'une heure du matin. Donc, je tenais à remercier les parents de Max pour le petit courrier qu'ils nous ont envoyé. Donc, ça nous a fait très plaisir à moi et à Sandy. Donc, on vous remercie beaucoup et on te remercie, toi, Max, de ce qu'il y a dans le bureau. Fildar, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Merci. Tu n'as pas commencé la nouvelle année. Donc, je tenais à dire, je remercie les parents à Max et puis toi, Max, en même temps. Un gros cœur. Manu, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Ouais, non, mais c'est bon. On y va. Bon, donc, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 99. Donc, tous les auditeurs qui nous écoutent dans la France entière, même à l'étranger. Donc, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Donc, Fildar, je te souhaite une bonne année quand même, malgré les conneries que tu m'as faites l'année dernière. Merci, Sophie, bonne année. Laisse ouvert, si ça te dérange pas. Max, une bonne année à toi. Manu, une bonne année. Merci. Une bonne année à Rigo. Merci, toi aussi. Et à tous les gens sur Internet. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et de toute manière, il faudrait que, avant qu'on s'en aille, qu'on se fasse une petite dédicace. une petite dédicace pour tous les gens d'Internet. Hein. T'inquiète, on va faire ça. Dédicace. Alors, c'est le débat sur quoi, Gérard? C'est le débat sur l'euro, donc j'espère que ça va bien se passer, parce que sinon ça va... En tout cas, sur IRC, il y a Yankee qui te souhaite une bonne année, gros mort de nain de Gérard. Ouais, ben, pour l'instant, c'est pas les nains de Gérard, c'est l'euro. Ouais. Donc, qui se calme, lui? Donc, on va accueillir... Tirelire. Bonne année, Gérard. 20 ans Toulon. On peut écouter Toulon Fun Radio sur 99.1. C'est bien ça la fréquence? Ouais, ça fait à peu près 16,13 euros, je crois, hein, si j'ai bien calculé. La fréquence, je te parle pas de l'euro. Bah, c'est ça, la fréquence. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. D'accord. Ok. Commence pas déjà à m'agresser, Gérard. Je te souhaite une bonne année. Ouais, bah moi aussi. KK40, 22 ans, Argentan sur Creuse, à mon avis, c'est 106.2. Exactement. Bonsoir, GG. Bonsoir à toi et bonne année. Toi aussi. Jean-Sylvie. Oui. 25 ans, Toulouse. Ouais, bonsoir à toi, GG. 105.9. Ouais, je te souhaite une bonne année bien juteuse, mon ami. Ouais, ben, on verra. Mm-hmm. Petit Penny. Ouais, salut Gérard. Salut à toi. J'appelle de Marseille, 103.1, et bonne année à tous, et ainsi qu'à toi, bien sûr. Une erreur, je crois. Oui, je crois que j'ai une petite erreur, là. C'est marqué quoi? C'est marqué Chartreau. Ah, je me suis trompé, c'est Marseille. Excuse-moi, Gérard. Fildar commence pas, hein? Ouais. Et puis après, j'ai... Dutchmark et Sophie. Dutchmark et Sophie à Auch, à 98.7 FM. On peut écouter Fun Radio. Oui, bonsoir Gérard, bonne année. Je suis avec ma sœur là, mais elle n'interviendra pas beaucoup dans le débat, t'inquiète. T'as raison, et j'ai presque pas reconnu ta voix, toi. C'est qui? C'est qui, hein? Oui. Non, ouais. Mais vas-y. Non, mais on verra. Bonsoir, Gérard. Ah, c'est sa sœur, Sophie. Ouais. Quoi, tais-toi, tu veux parler à sa sœur, Gérard. Non malaise, allez, Gérard, on y va. Allez, enchaîne, dans le débat. D'accord, Tony? Non, c'est pas toi. Warnet? Oh là là là là. Non, mais... Attention, là. Attention, t'es trop en bonne limite. Je vais au con. Je veux bien. C'est incroyable. C'est impossible. Ouais, impossible. Voilà, ça commence. Ça commence, les habituels. Ça commence. Non. Tony, j'ai eu en ligne il y a 2 secondes, donc c'est pas lui. Et tout le monde dit c'est possible. Hein. Il n'y a pas que Hard. Ouais, non. C'est devenu une phrase. Allez, on attaque le premier parce qu'on regarde pas qui commencer. Et petite commission. Commission. Salut Gérard. On peut écouter Fun Radio à Gap 93 FM. C'est ça, bonne année. Bonne année à toi. Et donc, doit-on enseigner l'euro? Déjà, l'euro, à combien qu'il est pour vous? À 18, 3,80. Comment? 18 tirelire. Non. Dis pas 18. Pistole. Non. 1 dollar. Non. C'est plus. Non. Non, mais attendez. Là, moi, je vais vous arrêter. L'euro, à l'heure actuelle, maintenant, il est à 6,55,97. Comment? Centimes. Attendez, vous n'avez pas commencé à me casser les couilles, ok? Calme. L'euro est à 6,55,97, ok? Ok, Michel. Yeah. Ah, pas trop. Excuse-moi. Alors, Gérard, on y va? Allez, on y va, Gérard. Ouais. On reprend les auditeurs, ils sont calmes, vas-y. Ouais. Ils sont calmes, ils ont un carré. Non, mais vas-y, Gérard. Allez. Alors, vas-y. Doit-on enseigner l'euro à l'école? On m'a demandé à tirelire. L'euro, ben, je crois qu'il faut surtout voir l'étape de multiplication par 6. Parce que cette fois-ci, c'est ça, Gérard. Ouais, mais attendez, attends 5 minutes. Max, tu m'avais dit que tu avais une calculette en euros. On l'a. Attends, bah ouais. Elle est à Bayard, je crois. Non, je l'ai ramenée. Bah alors, va la chercher. Ouais, comme ça, tu feras moins le bordel. Sophie, elle va prendre... s'il y en a un qui va pas, hop, dehors. Donc, doit-on... Gérard, c'est tirelire. Tu crois pas que ton chef Max, tu vas te faire avoir, il va te payer 6 fois moins. Hein. De quoi? Bah, ton chef Max, tu vas te faire avoir, il va te payer 6 fois moins. Mais il restera rien, déjà. Non, mais doit-on enseigner l'euro à l'école? Ok, point final à la ligne. Gérard, pour un cent, tout est tirelire. Merci. Gérard, on me dit sur IRC, c'est Yankee qui me dit ça, que l'euro, on l'apprend dès l'âge des bébés, quoi. Dès que t'es tout petit. C'est quand t'as bien mangé. Bah si. Tiens. Voilà. Alors là, Gérard, il a la calculette en euros. Alors là, tu mais l'allumes. Mais c'est pas s'en servir. Mais il faut avec la lumière. Ah ouais, il me faut la lumière. Donc il me faut déjà un peu plus de lumière. Appuie sur on avant de commencer, Gérard. Comment? Appuie sur on avant de commencer, autrement ça ne marchera pas. Voilà. On a un peu de débat là, les gars. Bon, alors, tirelire, pour toi, doit-on enseigner l'euro à l'école, oui ou non? Bah, je crois que c'est inné, quoi. C'est quand on a bien mangé. Et de toute façon, il y a deux choses fondamentales dans la vie, c'est l'euro et le prout, je pense. Non, mais attends. Attends, je crois que t'as pas compris la question. Non, j'ai pas pu comprendre. Non, mais tu comprends pas. Non. Coca 40, là. Caca 40. Caca 40, s'il te plaît. Ouais, je pense qu'on doit enseigner l'euro à l'école. Ça, c'est clair. Parce que le franc, ça va plus le faire. Ouais. Plus personne va être franc. La ouais, France, Tony. Ouais. Hein, Tony. Ok, super. Tu vas bien, Tony? Ouais, ça va. C'est pas Tony, Gérard. C'est pas lui. Moi, à peine. Non, Gérard, tu cries comment, euro? Comment? Ça s'écrit comment, euro? E-R-O. H-E-R-O. Voilà. H-E-R-O. Non, E-U-R-O. N'importe quoi, H-E-R-O. Ouais, et mon pied dans le cul, tu le veux? Oh là là. Bon, alors, Tony, caca 40, hop, terminé pour lui. Bonne nuit. Ah, mais c'était pas Tony, hein. Tony, il a une voix d'homme, une vraie. Non. Non, mais c'est terminé pour K40. C'est pas grave, vous êtes chiants les auditeurs. Merde, Gérard, bon, il fait un superbe débat encore. Ouais. À propos de l'euro et de la valeur de l'euro, il y a Davy One sur l'IRC qui te demande un euro français, ça fait combien en euro belge? Parce que lui, il est belge. Alors... T'as ta calculette, GG, si tu veux. Là. Ouais, mais attends... D'abord, qu'ils convertissent en francs belges, c'est pas gagné. Non, mais de toute manière, maintenant, c'est pas... La question, on va en parler parce que tous les pays, maintenant, sont mobilisés pour l'euro. Donc, t'as tous les pays qui sont... C'est quel pays, d'ailleurs? T'as la Belgique, le Danemark, l'Italie, la France, la Suède. T'as les 12, je crois que... Il y en a 12? Il y en a combien? Ouais, il y a les 12 pays. T'as 12 pays qui sont concernés dans l'euro. Ok, et ça forme quoi, en fait, ces 12 pays? Ça va faire quoi? Ben, disons, pour l'instant... sa forme, c'est que ça va se baser, c'est que pour l'instant, ils essayent de voir par rapport au 440. C'est quoi? C'est sur la bourse. Sur donc, les bourses, ouais, c'est comme des Morbac, en fait. Comment le 440, c'est sur les bourses, c'est comme des Morbac. Non, mais le 440, c'est la bourse actuellement en francs. Uh-huh. Maintenant, ils vont pouvoir voir avec le... avec l'euro, de savoir à combien qu'il est. Parce que là, j'ai pas trop suivi, moi je suis pas ça trop cette histoire. J'arrive. Et apparemment, ça a l'air de mieux marcher que le franc. Ouais, parce que le 4,40, apparemment, monte plus qu'avant. Donc en fait, l'euro, il est plus cher que le franc. Ah oui. Ah oui, il est à 6,55,97. En fin de compte, 6,60. 6,60 quoi ? 6,60 euros. Donc, 6,60. 6,60, c'est l'euro. C'est la base. C'est la base de l'euro. Ah, okay. C'est compliqué, hein, hein. Non, non. Je comprends rien. Bon, Gérard, ouais, mais moi non plus. Moi, j'y comprends rien, de toute manière. Si on fait un débat quand même, on s'en fout. Ouais, mais on fait le débat là-dessus. Ouais, c'est parti. On s'en fout. On s'en prend. Jean-Philippe. Jean-Sylvie. Ouais, Jean-Sylvie. Ouais, confond pas les prénoms masculins. Ouais, bah, t'es tranquille, encule ta sœur, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Okay. Moi, ce que je voulais dire à propos donc de l'euro à l'école, c'est que avant de leur apprendre à compter, on pourrait peut-être leur apprendre à parler un français correct. Ouais. Déjà, je pense que ça serait une première chose. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire, si on veut savoir compter en euros, d'apprendre les chiffres arabes. Et je voudrais savoir ce que tu penses des chiffres arabes. Non, mais alors là, je vais te dire une chose. dans ces cas-là, tu promets tout à l'heure. Ben pourquoi tu penses qu'il vaut mieux faire ça en... Non, mais attends. Attends, ouais. Parce que dans tous les pays, ça sera en euros, ok? Il n'y a pas besoin d'essayer de faire une polémique. Mais Gérard, non, mais il n'y a pas besoin de faire une polémique sur les pays, d'accord? Non, c'est bon. Gérard, c'est bon. Petit Penny. J'ai une grosse bite. Petit Penny! Ouais, Gérard, écoute, moi je pense qu'il faut apprendre à multiplier la division et à diviser la multiplication. Bon, ouais. Voilà. Mais je pense que ça sera bon, hein. Mais le tout, c'est de s'y mettre, quoi, hein, je pense. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, mais je pense. Moi, de toute manière, je vais avoir des réponses quand même à vous donner. Deutschmark et Sophie. Oui, Gérard, effectivement, je pense que ça serait une bonne initiative de l'apprendre à l'école, puisque déjà, on sait que Charlemagne, qui a été couronné en 1800, l'a bien enseigné le franc, pardon. Et donc, Jacques Chirac va faire de même avec l'euro. Donc, ouais, ben, dans ce cas-là... Ça, c'est avec la politique des interfaces. Non, mais attends, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Petite commission. Ouais, moi, je crois qu'il faudrait mieux plutôt l'enseigner dans les maisons de retraite. Parce que c'est surtout les vieux qui ne vont pas s'en sortir, parce que les gamins, c'est des petits malins. Ouais. Il faut comprendre tout de suite. Non, mais ça, de toute manière, là, la question elle va être posée. Ouais. Rigaud, une question Internet ? Oui, avant que je réponde. Oui, tout à fait. Vous taisez derrière, s'il vous plaît, merci. Donc, il y a Père Fouras qui te demande pour ou contre l'euro à table. Pierre Fouras, t'essayes de préciser, merci. Bah, l'euro à table. Est-ce qu'on peut parler de l'euro à table ? Non, ça maintenant, tous les mecs avec costume cravate, c'est ce qu'ils vont parler régulièrement en mangeant. Hein. C'est clair. Tu vois les mecs en costume cravate, le mec qui travaille dans une banque, t'as vu, il y a l'euro qui est passé, tu peux me dire combien que ça va faire, et puis ceci, cela. Non, là, faut arrêter. Gérard, oui. Sinon, il y a Chocobo will be Keynesium soon. Il revient dans une heure parce que sinon sa mère elle va le griller. Ça c'est son problème, c'est pas le mien. Si sa mère elle grille, c'est pas moi. Hein. Gérard, à la place de KK40 que t'as viré, on accueille Euroco Sifredi. Salut. Ouais, salut Gérard. Attention à toi. Salut Euroco. Salut, bonsoir. Salut, c'est Sophie qui l'a sélectionné sur les 24. Salut Gérard. Sophie. Non, j'ai rien fait. Moi. Non, mais attendez. Je préfère. Ah, voilà, ça a déjà coupé. Je me suis trompé de bouton, merde. Ouais. De toute manière, on dit pas merde, d'accord, Sophie. Ouais. C'est pas parce que c'est le premier débat que je fais avec toi et Manu et Fildar et Rigaud et que Max là, que faut pas prendre les gens au standard. Donc faut prendre sur les 24 lignes. S'ils ont des choses à répondre sur l'euro, on y va. S'ils ont rien à dire, au revoir, bonne nuit. Si c'est pour dire, je vais faire une libre antenne, il n'y a pas de libre antenne à cette heure-ci. Gérard ? Oui. Sur IRC, il y a Turpentine, elle revient, elle va pisser juste. Hein. Tant mieux. Donc, c'est bon. Ouais. Voilà, il est en train d'expliquer, Fielder. Ouais, donc, tu vois, tu as pris Euroco Sifredi à la place de KK40. Ah, tu l'as pris sur les 24 lignes, c'est bien, ma grande. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Ça va, non, coup. Mais c'est bizarre parce que je vois pas. Je vois les 24 lignes qui arrêtent pas de sonner. Ouais, mais on peut faire le débat aussi ouais, ou pas? Ce serait bien, ouais. Gérard, vraiment. Donc, alors, tu notes à la place de KK40, s'il te plaît, merci. Ouais. Euroco Sifredi. Non, on n'est pas là. Ouais, Gérard, petit pénis, je voudrais te poser une question. Ouais. Est-ce qu'en 2002, on aura les billets, 1 euro ou les pièces d'abord? Alors, ça, c'est la très bonne question. Ça, j'allais répondre justement à la première question. Ouais. Donc, j'allais faire la conclusion sur ça. Mmh. Donc, en fin de compte, tout sera mis en euros à partir de l'an 2002, c'est-à-dire les pièces et les billets. Ouais, GG. Ah, oui. Ouais, ce que je voulais dire, tu parles de 2002, mais est-ce que c'est vrai que même depuis déjà de nombreuses années, toi par exemple, on avait calculé la taille de ta quéquette et ton QI en euros, c'est-à-dire on avait... T'es qui, toi? On avait tout divisé par 6 et demi. T'es qui, toi? Leonardo. C'est Leonardo. DiCaprio. Oh, GG, je n'écoute pas. C'est Euro quoi, DiCaprio. Moi, je trouve que c'est des bonnes questions. Bon, alors, je sens... Arrêtez les... Je sens... Bizarre. Je sens que tu as morflé ce soir. Direct. Arrêtez les auditeurs, merde. C'est bien le débat. Je suis avec Gérard, moi. Calmez-vous. Calmez-vous, les mecs. C'est ma faute, Gérard. Je suis désolé. Okay. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je veux pas le savoir. Je veux pas savoir qui c'est. Bah, je recommencerai plus, hein. Ouais, ben, calmez-vous. Gérard, c'est Sophie. Allô, non, il y a pas de Sophie. Alors dégage, toi, dégage, dégage. C'est la sœur à Deutschmark. Gérard, est-ce que ton salaire il est payé en euros? Qu'est-ce que non, il est pas payé en euros. Ouais, attends, Gérard, non, mais attendez, il y a une question. Vous permettez? Il y a une question quand même internet qui est plus intéressante que les vôtres. Ok. Alors il y a Rip qui te demande si le dollar va tuer l'euro. Le dollar va tuer l'euro. Ben non, parce qu'en fin de compte, c'est que le dollar... Il n'y a pas de couteau. Le dollar passera en euro aussi. Hein. Bah ouais. Donc, en fin de compte, que tu passes en dollar, en Deutschmark, en franc belge ou autre, de manière, tout sera mis en euro. Yeah. Oh, s'il vous plaît, merci. Quand je réponds, il n'y aura plus un seul franc français. Tout sera mis en euros. Bravo. Tout sera en euros. Il n'y aura plus un seul franc français à partir de l'an 2002. Mais par contre, il y a une chose que je vais préciser, et ça va être le thème d'une question, même si j'abrège parce que... On va enchaîner dessus. Ouais, mais moi, je vais vous dire une chose, que les gens, ceux qui ont des comptes en banque et tout ça, vous pouvez avoir des carnets de chèques en euros. Merci, on a la télé, nous aussi, Gérard. Enfin, bon, bah alors. Et alors, pauvre con, pourquoi tu fais partie du débat? Parce qu'ils vont savoir plus, ils savent très bien que tu vas lui apporter énormément de choses. Ah, bah d'accord, c'est l'euro. C'est l'euro dans l'air. Ouais, tu vas voir. Il arrive. Alors, pourquoi l'euro s'appelle comme ça? Oh, Vogel un peu, maintenant. C'est très simple. C'est... Allô? Ouais. Ouais, bah parce que l'appeler Le Pen, c'était pas correct. Donc on l'a appelé l'euro. C'est qui? C'est comment ton nom? C'est Euro Cossi Freddy. Hop, au revoir. Ouais, j'ai rien dit. C'est bon, tire lire. Ouais, mais moi je pensais que tu préférais les culs. Non, bah alors toi t'es encore toi tu préfères les bites. Oh, t'es trop vulgaire, Gérard. Attends, moi je parlais les Q E K U quoi. Ah, E K U. Bah oui, l'ancienne pièce du Moyen Âge. Ouais, mais de toute manière ça existe plus tout ça. Hein. Ah, mais ça va revenir les Q. Hein. Ouais. Non, si. Non. Moi je pensais que tu préférais, c'est tout quoi. Je vais dire, ne m'agresse pas. Ouais, ben dans ce cas-là tu réponds comme il faut aux questions que je te pose, d'accord? Ok. Okay. Ok. Merci. Jean-Sylvie. Ouais, ben moi je confirme, hein, je suis désolé. Toi, fais gaffe. Attends. Écoute-moi deux secondes. Attends cinq minutes, s'il te plaît. Fais gaffe quand même. Hein. Parce que c'est pas parce que dans moins d'une demi-heure tu te casses que tu vas me faire un double son. J'ai rien fait, Gérard. Ouais, non, mais. Non, sérieux. Parce que tout à l'heure. J'ai les mains dans le dos, je fais rien. Ouais, ouais. On va voir. Rigo. Ouais, c'est moi. Rigo, donne-moi un petit sondage internet. Alors, là, combien qu'on est. Il y a Perforas qui se gratte l'aisselle, je crois que c'est important. C'est bien le micro. J'ai encore cassé mon micro, décidément. Oh là là, Rigo. On est combien? C'est pas grave, on est 4998. Ouais, il en manque que 2 pour être 5000, on va y arriver dans pas longtemps. Mais moi je voulais demander une chose à Rigo avant qu'on continue. Vas-y Gérard, demande. Coupe-le-moi. Avant qu'on continue, comment que ça se fait que dès que le jeudi ils m'entendent? C'est parce que t'es une star. On dépasse les 5000. Parce que t'es le meilleur. Tu les fais kiffer. Ouais, mais pourquoi que lorsque le chef, il est là avec sa Dream 6, c'est-à-dire toi, Manu, je vais te dire, Gérard, c'est tout con. Et Fildar. C'est tout con. Parce que les gens de l'IRC, quand il y a Max, ils l'écoutent, ils font pas d'IRC. Alors que toi, pendant que t'es à l'antenne, ils viennent discuter. Ils n'ont rien à foutre, donc. Ouais, mais alors, attendez. On va demander à Max. Non, c'est pas les débats. C'est un débat sur l'internet ou sur l'euro là? Donc, c'est sur l'euro, je crois. Donc, bon, alors, Jean-Philippe. Non, Jean-Philippe, ouais, c'est clair, c'est l'odeur qui les attire sur internet, hein, c'est comme les mouches. Non? Ouais, t'as raison. Petit Penny. Ouais, je pense que c'est qu'ils t'attendent, et puis on est impatients de t'entendre, surtout, et puis voilà, et que ça fait plaisir. C'est pas la question! Quand on débat sur internet. Non, mais pourquoi l'euro s'appelle comme ça? Ok? Ouais, d'accord, écoute-moi. On n'en a rien à foutre de l'internet, de manière. Je pense que. C'est une bonne l'euro question. Stop, s'il vous plaît, derrière, merci. Comme tu viens de dire, on n'en a rien à foutre de l'internet, j'en ai perdu 500, on n'est plus que 4400. Bien joué. Ouais, mais c'est pas moi qui ai dû. Non, c'est pas moi. Tu viens de le dire. T'as dit qu'on s'en branlait. Bon, allez, les gens sur Internet, je vous en supplie, revenez. Allez, le débat. Bon, alors, petit Penny. Moi, j'aurais préféré qu'on appelle, au lieu de l'euro, Zoro, puisqu'on aurait pu dire comme ça, Zoro est arrivé en 2002. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus mieux, quoi. Gérald, ouais. Mm-hmm. C'est ça, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Gérald? Personnellement, moi, de l'appeler Zoro, je crois pas. Non, Zoro. Zoro? Zoro? Le Zoro est arrivé. Le Zoro est arrivé. Hein. Ouais, mais il y a Zoro, l'autre. Il y a le zéro tous les jeudis déjà. Bah oui. GG. C'est qui? C'est Jean-Sylvie, je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Ouais, tout à l'heure, il y avait une jeune fille qui parlait des culs. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'avant, ça a failli s'appeler les culs. Et personnellement, si tu prends le cas, par exemple, des timbres. J'aurais largement préféré lécher les culs que l'euro, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Alors toi, tu peux retourner chez toi. C'était une petite blague. C'est une blague de philatélie. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Allez, la suite. Deschmark et Sophie. Ouais, moi, Gérard, je pense que l'euro, c'est le diminutif de horoscope. Donc ça, c'est Jean de Neuvert qui l'a inventé, on le sait bien. Ouais, mais attends, tu as te calmer, toi. Pas de nom. Déjà, tu vas te calmer. Donc c'est J-D. Ouais, Fildar, tu me le prends au standard, tu le calmes. D'accord, je le calme, j'ai rien dans ses bourses, c'est pour ça. Petite commission, pour terminer. Ouais, c'est le diminutif d'Europe. C'est le diminutif d'Europe. Oh là, punaise, mais c'est quoi? Mais il y a des sons pourris là, ou quoi? Ou c'est parce qu'on change? C'est ça. C'est le téléphone de merde. Ouais, je sais pas. Donc, alors, troisième question. Attends, petite commission, elle a répondu, t'as même pas fait attention à ce qu'elle avait dit. On répète, parce qu'avec le son pourri que j'ai eu... Parle bien fort dans ton téléphone, petite commission. C'est le diminutif d'Europe. Voilà. D'accord. Qu'est-ce t'en penses, Gérard? Je pense. Moi, de toute manière, je peux vous dire une chose, que l'euro, de toute manière, tout le monde aura du mal à s'y mettre. Mais pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Pourquoi on n'en sait rien, c'est pas nous qui avons décidé, c'est le gouvernement. Alors le gouvernement, il fait ce qu'il veut, mais qu'il nous emmerde pas. Parce que là, moi cet après-midi, moi je vais te dire une chose, parce que moi maintenant je vais pousser un coup de gueule, et je vais te dire une chose, que voir qu'on va payer un ticket de bus 6 francs, plus de 6 francs... Donc 36 euros alors. Ouais, 36 euros. Donc moi j'en ai ras-le-bol. Et voir des connards de contrôleurs dans les bus, il y en a ras-le-bol. Alors les contrôleurs, allez vous faire foutre. Bravo Gérard. Voilà. Et donc, allez vous faire foutre en euros, monsieur. Ouais, allez vous faire foutre parce que vous étiez 6 dans un bus, hein, pour nous contrôler. Et vous êtes venu 2 fois me voir avec Sandy pour me contrôler. Parce qu'il t'aime bien. Alors arrêtez vos conneries. D'accord. Alors maintenant, faites votre boulot. Eh bien, arrêtez de nous faire chier avec vos grèves. Gérard, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour revenir au débat sur l'euro, il y a Davy One toujours qui te demande combien ça fait en francs suisses les euros Disney. Oh ben alors ça, là je pourrais pas lui dire l'euro Disney en francs suisses combien que ça prend. Ben, c'est en fin de compte, le franc. De manière, il n'y a pas de francs suisses. Ah bon? Je sais pas du tout. Non, il y a pas de francs suisses. Hein. C'est quoi alors la monnaie là-bas? Bah, la monnaie là-bas en Suisse, c'est le franc français. Le petit suisse. Hein. Ah non, c'est non, non. Le petit suisse. Mais non, le petit suisse, tu le prends, tu le jettes sur n'importe qui. T'es violent, toi. Bah alors. C'est tes volets, non? Bah oui, bah. Oui. C'est Tirelire, je peux parler sérieusement? C'est qui? C'est Tirelire. Bah vas-y. Fait, on dit un euro, mais au pluriel, c'est des neurones. Et ça veut dire qu'il y en a qui auront 6 fois moins de neurones et. Franchement, il y en a qui sont mal barrés. Quoi. Ouais, mais attends, attendez. Si vous voulez parler des euros, hein, et puis comme petit tirelire vient de dire, ouais, tirelire, tu voulais dire quoi, toi? Alors, on dit un euro, et au pluriel, ça fait des neurones. Ça veut dire qu'il y en a qui auront 6 fois moins de neurones. Et bien, il y en a qui sont mal barrés. Enfin, personne, Gérard. Non, mais les euros, c'est pas question sexe, hein, d'accord? Dans quel pays seront acceptés l'euro et pourquoi? Et on va s'écouter les banquiers aux grosses poches avec Fouette-moi le cul en euros. Et on se retrouve tout à l'heure au 0803-08-5000 et toujours sur l'internet www.fr.radio. Et voilà, vous venez d'écouter les banquiers aux petites grosses poches avec Fouette-moi le cul en euros. Donc, on vient de s'expliquer un peu avec toute l'équipe pour l'histoire de tout à l'heure. Donc, j'espère que ça va pas continuer comme ça, parce que sinon, ça se termine mal. Allez, oui, c'est pas grave, on y va. Donc, Tirelire, toujours là? Oui. Marie-Alain? Bonsoir, Gérard, tu vas bien? Ouais, ben, ça y est, on t'a déjà dit bonsoir, ok. Jean-Sylvie. Ouais, salut, big up. Ouais, big up à ouais, toi. Big up. Petit pénis. Affirmatif. Ouais. Toujours là. Deschmark et Sophie. Ouais, je vois ça tous. Et petite commission. Salut. Re-salut à toi. Re-salut à toi. Alors, dans quel pays seront acceptés l'euro? Et maintenant, on va abréger parce que là, pour. Ok, bah alors après. On va accélérer. Non, on va accélérer. Alors vous allez arrêter de rôter parce que sinon vous allez dégager. Allez, on accélère. Va, on y va. Ouais, parce que là, il y en a ras-le-bol. On accélère. Ok. Oui. Allez, alors toi, t'arrêtes ta connerie, ok. Accélérer. Il accélérait, on y va, Gérard. Alors dans quel pays sera accepté l'euro? Alors, Tirelire. Bah écoute Gérard, comme tu viens l'annoncer tout à l'heure, le scoop, n'est-ce pas? Ben donc en Amérique, apparemment, on pourra payer en euros. Mmh. Donc le dollar n'a qu'à bien se tenir, parce que bon, à mon avis, c'est la fin. Bah, ok. C'est bien ce que t'as dit tout à l'heure. Non mais attends, toi tu penses que le dollar, ça sera la fin? Bah c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Oui mais moi je vais vous préciser pourquoi. Ah d'accord, ok. Pourquoi Gérard? Bah approfondis. Non mais on va laisser les gens répondre. D'accord. Marie-Alain. Ouais, alors donc ça va se vendre l'euro dans le pays de New York, en Inde, en Autriche et en France. D'accord. C'est pas d'accord, c'est j'en suis sûr. Ouais, regarde les news tous les jours. Ouais, ben c'est ça. Alors je serai avec toi, j'écouterai plus les informations et je m'intéresserai plus aux journaux. Ok. Jean-Sylvie. Ouais, ben dans la France déjà et ouais. Puis dans tous les pays limitrophes. C'est-à-dire? Bah, les pays limitrophes, quoi, les pays qui y touchent. Mais précise. Bah, les pays qui touchent, regarde, toi, tu te touches, t'es limitrophe, c'est pareil. Voilà. Bon, alors, toi, Jean-Sylvie, terminé. Bah, hop. Attends, mais pourquoi? Non, mais moi, je me touche pas avec un euro. Non, ok, alors, dégage. Allez, hop, Gérard, hop, terminé. Allô, terminé. Gérard. Mais c'est bon, il est viré. Et tu me reprends quelqu'un d'autre. Gérard. Calme-toi, Gérard. Sur IRC, il y a Satanas qui te demande pourquoi tu fais un débat sur l'euro et pourquoi tu parles des pays, vu qu'en fait, c'est la monnaie du département de l'Eure. Non. Alors là ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le département de l'Eure. L'euro, c'est l'euro. C'est une pièce, parce que faut se dire une chose, parce que sur une pièce... Ah, t'en as sur toi, là, des euros? Non. sur une pièce, derrière, vous avez marqué égalité, fraternité et égalité et fraternité. Paternité. Ouais. Mais sur l'euro. La boulette dans le nez. Ouais. Ouais, mais sur l'euro, ce sera marqué quoi? On n'en sait rien. Ah. Mm-hmm. On n'en sait rien. Et tu ouais. sais pas, toi? Non, même moi non plus, je ne sais pas ce qui si sera marqué. Si même toi, tu ne sais pas, alors. Qui va le savoir? Ah, c'est Dutch Mark. Petit Penny. Vas-y, petit bip. Moi, je pense en Amérique, aux USA, et je pense aussi en Papouasie, vers les Papous, là-bas. Ouais. Je pense que, est-ce qu'on pourra changer des écus chez les Papous? C'est ça la question, c'est ouais. ça mon problème. D'accord. Ah, okay. Attends, 5 minutes. Et toi, je viens de te demander de me virer, petite Jean-Sylvie. Hein. Mais pas okay. du tout. Eh ben, il est viré. Non, il n'est pas viré, il est encore là. Alors, tu le vires. Il est plus là, Gérard. Gérard, c'est Dutch Mark, je peux répondre. Non, tu le vires complètement. Gérard. C'est qui? Dutch Mark. Ouais, ben justement, c'est à toi. Ouais, ben moi, je trouve que c'est un peu con que t'aies viré Jean-Sylvie tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est, quand il parlait de pays limitrophes, c'est tous les pays qui sont disponibles d'une frontière, quoi. Voilà, quoi. En fait, il voulait dire que l'euro sera disponible dans tous les pays qui ont une frontière. Attends, voilà. 5 minutes, Dutch Mark. Non, question IRC. Pas 5 minutes, hein, juste 2 secondes. Non, Yankee, il dit que en fait sur l'euro, il y aura marqué j'ai bien mangé. Non, on sait pas. En fin de compte, on sait pas ce qui sera. Non, tu me les coupes quand je réponds. Ah, OK. Je les coupe quand tu parles quoi. Voilà. Ouais. Donc en fin de compte, on sait pas ce qui sera marqué sur les pièces ni sur les billets. Et est-ce qu'ils vont faire des euros en chocolat, il me demande. Ça justement, on sait pas. Ok. On ne sait pas. Dutch Mark, pour continuer ta question. Oui, je te disais donc, c'est tous les pays qui ont une frontière, quoi. Tous les pays qui ont une frontière, ils pourront avoir l'euro, quoi. Mmh. Voilà. Ok. Ouais. Petite commission. En fait, c'est dans le monde entier, sauf au Brésil, hein, parce qu'ils s'en sont permis la défaite à la Coupe du Monde, donc ils ont littéralement refusé l'euro. Non, mais attends, petite commission. Quoi? Il faut pas qu'on confonde l'euro avec le foot. Parce que ça a rien à voir. Bah ouais, l'euro c'est une pièce, le foot c'est un vrai. Et c'est pas parce que le Brésil a perdu contre la France 3-0 que le Brésil n'accepte pas l'euro. Au contraire, maintenant c'est tous les pays d'Europe qui sont concernés. Et justement, le Brésil est dedans. Bah ouais, dans l'Europe. Bravo. Ils sont dedans pour l'euro. Évidemment, mais ils veulent pas Gérard, c'est ils sont dedans. Il y a Guépi qui me dit que t'es ouais. trop con. Ah ben c'est bien. Et sinon, on est combien? Sinon, il y a je sais pas, on doit être presque 5000, je crois, 4900 et des brouettes. Et sinon, il y a Canard VC qui te demande si l'euro tunnel, c'est un tunnel pour faire passer la monnaie l'euro. Ah bah justement, la question c'est bien parce que je voulais la poser. Je voulais la poser aussi. Gérard, t'as pas répondu, toi, à la question, là. Tu sais que tu voulais revenir dessus tout à l'heure, t'as dit, on va attendre que tout le monde réponde. Dans quel pays seront acceptés l'euro? De l'Amérique, tu devais parler. Mais en fin de compte, même en Amérique. Ouais. Pourquoi? Même en Amérique. Ah, attendez, s'il vous plaît, merci. Je parle. Allô? Je parle. Merci. Donc, dans tous les pays, l'euro sera accepté, même en Amérique. Il n'y a pas de pourquoi, d'accord? Toi, avec tes pourquoi tout à l'heure, je vais te faire fermer ta gueule. Ouais, mais donne une explication, Gérard. Mais attends, toi, tu la fermes. C'est Sophie, mais faut qu'elle ferme ta gueule, parce que je vais la coucher, parce que demain, elle a cours. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu la couches. Allô, Gérard. Oh, ben non, mais je vais la coucher, elle n'est pas enceinte. Vas-y, Gérard, explique. Donc, dans tous les pays, l'euro est accepté. Depuis le 1er janvier 99, c'est-à-dire tous les pays sont concernés, c'est-à-dire l'Angleterre, la Belgique, la Suède, tous les pays, les 12 pays de la communauté européenne donc sont Brésil, concernés, donc. L'Asie, tous, la tous, Chine, le Japon, tous, l'Asie. Tous. L'Angleterre, t'es sûr? Oui. Ça, j'en suis sûr et certain. Je suis pas certainement. Ben, dans ces cas-là, si vous avez... On prend un dico, c'est marqué dedans, non? Non, mais attends, toi, tu t'écrases, ok? Non, mais de toute façon, Gérard, il y a Yankee, il me dit, on pourra tous regarder son compte grâce à l'Eurovision. Ouais, ben, ça, l'Eurovision... Des bonnes putes, quand même. On verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Tu voulais parler de des pays de l'euro. Ouais donc tous les pays seront concernés, donc là-dessus, c'est plus la peine qu'on en parle, parce que l'euro maintenant est à 6 francs, 6, 55,97. Maintenant, quand tu vas dans un supermarché, tu regardes en bas de ton ticket une fois que tu as payé, tu as l'évaluation en euros. Ouais. Mm-hmm. Donc, ça peut évaluer de 6,55,97 à 6,33. Ça dépend ce que tu achètes. D'accord. Ça va pas être facile, la conversion. Tu vas faire comment avec des virgules? C'est l'euro-marché. Non, mais ça c'est maintenant. Moi, j'ai vu ce matin, là. J'étais sur le marché parce que Sandy, elle m'a offert une paire de chaussures. Et là, oui. C'est de l'euro-merde, ça. Ouais. Mais je vais te dire une chose. C'est de l'euro trailer, ça. En euros, ça valait 6,95. 6,95 C'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Tu vas te prendre dans le cul, toi, si c'est de la merde, toi, connard. Il y a des V1 qui te demandent, ça sert à quoi d'avoir le prix en euros, puisque ça a déjà été payé? Mais non, pour l'instant, il n'y a rien qui est encore fait. On attend 2002 pour avoir tout. Oh, bah ça va. Là, pour l'instant... Pourquoi on fait un débat, là? Non, mais on fait un débat sur l'euro pour préciser, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont concernées là-dedans, qui vont se demander comment qu'ils vont s'en sortir. Ils sont cons, mais il faut les cerner, quoi. Et Gérard. Ouais, Gérard. Arrête, le tape pas. Gérard. Tape pas Fildar. Attendez, ça y est, il est parti en couille. Non, ouais. Là, ça commence, hein. Mais c'est rien passé. Il commence. Il commence, il dégage. Ouais. Non, il s'est rien passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Ah non, dans une demi-heure, t'es plus là. Ouais. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu as posé? Non. Je sais pas. Quoi? Non, tu sais pas. Dans une demi-heure, t'es plus là. C'est l'autre qui prend le standard. Et toi, t'as intérêt de. Bah, tu veux. Gérard, c'est Deutschmark. Ouais, vas-y. Gérard. Ouais, j'avais une question à poser. Maintenant, d'accord. C'est toi qui viens de calmer, mais t'es taré ou quoi? Fête de Barjo, va. Non, mais attends, là, ça s'est battu pour de vrai. Ouais, sans déconner. T'es taré ou quoi? Tu vas te calmer, toi, hein? Ok? Mais quoi, putain, mais il dit bonne année. Non. Ouais, bah vas-y. Alors, faites les débats. Mais Gérard! Non. Bon, alors, on en est où? Pourquoi? Merde, sans déconner. Gérard! Gérard! Calme un peu, Gérard. Ouais, mais de toute manière, je continue pas avec un connard comme ça. Gérard. Pour l'année 99. Gérard. C'est terminé. Pour l'année... Non, c'est bon. Non, Gérard, non, c'est deux. Ah, attends, tu rigoles ou quoi? T'es payé pour ça, et moi, comment je fais pour dire à mes patrons que tu fais pas tes débats? Ben attends, il t'a souhaité une bonne année. Il s'est marré. Non. Mais si. Ouais, pour l'instant, il me fait que de la merde. Ok. Ouais, bonne année. Comme d'hab. Oh là. Gérard. Gérard. Ta gueule ou quoi? Non, je suis en train. Gérard, c'est petit pénis. Je suis à ta place et tout. Combien y a de connectés, Rigo? Voilà, on a dépassé les 5000 en plus, quoi. C'est en train de monter. On peut continuer le débat, quoi. Gérard, c'est petit pénis. Mais non, mais c'est pire. Mais là, c'est pas à 2 ans, lui, ça va à 2 ans, on fait quoi? Il n'y aura plus de Gérard. Dans ce cas-là, j'arrête à 2 ans. Il y a Olivier qui est là, remarque, maintenant. Gérard, c'est deux marques. Gérard, il t'appelle les éditeurs. Gérard, c'est Deutschmark, j'ai une question à te poser. Non, mais de toute manière, moi, cette année, j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme lui. Hein. Alors, même sur Paris, j'ai pas intérêt de l'avoir. Hein. Il va éteindre son micro quand je lui dis. Hein? Continue pas parce que tout à l'heure ça va recommencer. Gérard, rien fait, putain, mais les c'est auditeurs physique, ils attendent. Dès que tu nous regardes, t'as envie de gueuler. Sur l'IRC ils vont s'en aller, donc continue le débat avec les auditeurs qui sont là. J'en étais. Gérard, Deutschmark, j'ai une question à poser. Gérard, ce petit pénis. Oui. J'ai une question à te poser. Gérard. Je t'écoute. Ouais, quand ils disent 6 francs, virgule, enfin. Ouais, euros, si francs 55, 97 en voilà, fin de compte, l'euro. Ils parlent, ils veulent dire comment ça se passe, hors taxe ou c'est TTC? Non, non, mais en fin de compte. Justement, ça, parce que là, j'ai écouté, il y en a un qui est habitué sur l'argent et tout à la télé, mais ils nous en parlent pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont pas précisé exactement. Je sais qu'il faut, je crois qu'il va falloir multiplier par 10, diviser par. On est pas dans la merde. Va falloir multiplier par 2, diviser par multiplier par 10 et diviser. En gros, ça va être le bordel. Ouais, je pense que parce que ça va, hein. Là, je pense en gros Non mais tu rigoles, Manu. Bah ouais, Moi je dis une chose. Les plus touchés, ça va être qui? Ça va être les personnes âgées. Ouais. C'est les personnes. Elles sont pas là en 2002, les personnes âgées. Si. En 2020, on s'en est débarrassé des petites vieilles. Allez hop! Ouais, mais non! Non! Ouais, Gérard, c'est de Gérard! Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps, n'y comprend rien! Ouais, c'est le petit pénis. Mais est-ce que ça sera alors? Est-ce que c'est hors taxe pour le moment ou TTC alors? Mais on sait ça pas, justement! Ouais, Gérard! Ouais, c'est Dutch Mark, j'avais une question à poser! Gérard! C'est Dutch Mark, je voulais te demander, vu que ça va être 6,50 francs et des bananes, comment on va faire pour payer le journal à balle 2 là? Je citerai pas la marque. Alors, à 4,90 Non, deux balles. C'est les notes. Ouais, voilà. Alors là, je peux pas te dire. Avec des blagues à deux balles. Ouais, non, non, je pense que même justement, même moi, j'ai un programme et je sais même pas en euros combien qu'il fait. T'as un programme électoral. T'as un Macintosh, hein? Non. Je te demandais si des quoi comme programme, un programme électoral, un machin, un truc. Les programmes télévisés. Ah, TéléZ, Télépoche, Télé 7 jours. Ouais, voilà. Ah. Donc en fin de compte. Et t'as oublié Télé Loisirs. Pardon. Télé Star. Télépoche, pas de marque, Télé Voisine. Bon allez. Gérard. Oui, Rigo. Non, attendez, Rigo avant. Il y a Davy One qui demande, parce que les euros c'est pour les nouveaux francs, mais est-ce qu'il y a des anciens euros pour les anciens francs? Ah non, parce que maintenant, l'euro, ouais. L'euro, ce qu'il va faire, va supprimer le franc. Donc, on n'aura plus de francs. On passera à l'euro. C'est-à-dire, un café, tu le paieras, là, tu le payes 5,80. Et en euros, tu le paieras 2,60 à peu près. Hein, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ce que j'invente. Hein. Ouais, t'es pas sûr de ce que t'inventes. Hein, non, mais moi, je vais te dire une chose, que si le marché, à l'heure actuelle, les gens, ils se plaignent, c'est que depuis le début de... Le marché de quoi? Le marché de Suresnes? Non, tous les marchés, ils ont des problèmes parce que c'est que... Ils ont qu'à courir. Non, mais... Ouais, mais ils ont qu'à courir. Non, ils ont pas qu'à courir. Parce que faut se dire une chose, c'est que maintenant, ils sont obligés d'afficher en francs et en euros. Alors qu'on n'a encore pas une seule pièce en euros. Donc, je ne vois pas pourquoi qu'ils disent que l'euro sort le 1er janvier. C'est pour t'habituer. Ouais, mais pour s'habituer. Mais pourquoi? Parce que, pourquoi? Pour aider les personnes âgées. Mais pour l'instant, on n'a rien. Rien n'est sorti en euros. Pas que les personnes âgées, moi non plus, je comprends rien. Mais attendez, s'il vous plaît. Je réponds à Sophie. Oui, tout boulet. Bon, derrière, s'il vous plaît, merci. J'ai dit pas que les personnes âgées, moi non plus, je comprends rien. Ben oui, mais ça, de toute manière, c'est pas de notre faute. Parce qu'en fin de compte, l'euro est prévu pour l'an 2002. Donc, je vois pas pourquoi qu'ils commencent en 1999 à nous sortir des trucs sur l'euro, alors que pour l'instant, c'est prévu qu'en l'an 2002, les pièces et les billets. Gérard, il y a Turpentine sur l'IRC, elle dit de toute façon, si tu payes le câble en euros, tu reçois Eurosport et Euronews. Ouais, mais ça a rien à voir. On va pas prendre des chaînes télévisées. À mon avis, elle va pas. Bon, ça y est, c'est fini. Gérard, je peux poser une question? Oui. Comment on va faire aussi? Après, ils vont échanger les pièces en francs? Comment ils vont faire? Ben, faudra aller à la Banque de France pour tout échanger. Oh, le bordel. Eh oui, mais je sais, ça va être le bordel. Il va avoir la queue, hein, à la Banque de France. Ouais. Ben oui, mais déjà là, rien que ce week-end, moi, je peux vous dire une chose, que j'ai été à la Poste hier. Non, mais j'ai été à la Poste hier, et faites-moi confiance qu'hier, il y avait trop de monde, et on n'a même pas pu savoir si il y avait des virements. Pourquoi? Parce que maintenant, la Poste se met... ont décidé de bloquer les comptes et se mettre sur l'euro. Oui. Alors moi, je trouve ça dégueulasse. Et toi, Gérard, t'as ton chéquier en euros ou pas? Comment? T'as ton chéquier déjà en euros? Ouais, non, pour l'instant, les billets et les pièces ne sont pas... Les chéquiers, ça existe? Est-ce que tu l'as, toi? De quoi? Le chéquier, non. Non, pour aller dans une banque. Ouais. Alors justement, pensez-vous que les personnes âgées auront plus de mal avec l'euro par rapport au franc? Ouais, c'est clair. Et on se retrouve juste après. Après quoi? Non, on se retrouve après. Rien du tout. Après rien du tout. Il n'y a pas de disque, il n'y a rien de programmé. Donc, alors, pensez-vous que... attendez, Rigo. Oui. Alors, je ne sais plus qui c'est Nomad, le vrai Nomad, qui dit que... En fait, il se demande pour le millionnaire, pour le jeu, le millionnaire, ce sera 1 million d'euros, comment ils vont faire, ça se rappellera. Eh bien, voilà. Justement, la question que j'attendais. Et là, j'ai entendu, il y avait 7 000 euros, c'est équivalent à plus d'un million de francs. Ah vache. Ouais, 7 000 euros, 1 million de francs. Je crois, mais faudrait que quelqu'un soit... T'as ta calculette, hein. Non, mais je peux pas. Gérard, donc vrai. Alors, non, pense pas. Allez. Pensez-vous que les personnes âgées auront plus de mal avec l'euro par rapport au franc? Allez, on y va, on accélère. Tu as déjà répondu à celle-là, Gérard. Non, personne n'a. Bah si. T'as parlé des personnes âgées et tout ça. Les Monopoly seront-ils composés de billets? Non. Si, elle est bien. Ouais. Le Monopoly sera-t-il composé de billets en euros? Tirelire, je pourrais pas. Oui, tirelire. Bah, tu vois, à mon avis, ça va être un problème parce que, comme le millionnaire, on criait le million, mais là, tu nous vois crier, qu'est-ce qu'on va devoir faire? 7 000 euros. Ouais. Non, mais attendez. Non, Gérard, mais c'est vachement important. L'euro million. Non, mais attendez, le Monopoly, vous savez ce que c'est? Ouais, alors... C'est au McDonald's, non? Ouais, mais il y a le McDonald's, mais il y a le jeu. Alors, est-ce que... Attendez! Oh là là, mais vous allez me laisser répondre ou pas? Et d'ailleurs, Gérard, on peut gagner aussi 7 000 euros avec le Monopoly. Ouais, mais il faut être poli pour jouer. Ouais, ouais, non, mais moi, je peux vous dire une chose, que le Monopoly, il y a des billets à l'heure actuelle... qui sont évalués en francs. Donc maintenant, est-ce que le Monopoly sera mis en euros ou pas? Gérard, il joue encore au Monopoly. Ouais, bon, GG, moi, ce que je voulais te dire, c'est que t'es à la bourre parce qu'il y a une nouvelle version du Monopoly qui est sortie, c'est une carte bleue, donc ton histoire de billets, ça... Mais justement, ça, l'histoire des cartes bleues et des chéquiers, on va la poser. Ouais, mais pour le Monopoly, c'est valable, c'est tout. Bon, d'accord. C'est qui qui a dit ça? C'est Pépito. Je suis arrivé tout à l'heure quand Findar il s'est fait cogner, mais il n'a pas eu le temps de m'arrêter. Bon, d'accord. Pépito. Jean-Sylvie? Non, il n'est plus là. Marie-Alain? Ouais. Le Monopoly, c'est super. Ouais. Super. D'accord. Ouais, d'accord. T'as bien fait des progrès, toi. Ouais, toi, tu fais vachement des progrès. Bonne nuit à toi. Au revoir. C'est cool, alors. Allez, trop cool. Au revoir. Hop, Marianne. Petit Penny. Ouais, Monopoly pour le moment, c'est-à-dire en France, est-ce qu'ils pourront le changer éventuellement quand il y aura l'euro en 2002? Mais voilà la question. Voilà. C'est de savoir, est-ce que les jeux de société qui sont faits comme le Monopoly et autres, est-ce qu'ils seront changés? Est-ce qu'ils auront changé les billets ou pas? Voilà la question. Voilà. Oui, Rigo, attendez 5 minutes. Non, c'est par rapport aux pièces de l'euro. Il y a Satanas qui te demande si on pourra quand même faire des piles ou face avec les euros. Ah, voilà. Je m'y attendais. Parce que là, on peut faire des piles ou face avec nos pièces à l'heure actuelle. Mais justement, la question, et ça, la question, je vais la poser. De comment seront fabriqués les euros? Et là, je peux, personne ne pourra me le dire. Sinon, il y a RIP sur l'IRC qui te dit pour vivre euro, vivons cachés. Ouais, d'accord. Mais. Si veut. Mais pour répondre à la question à Santanas, Santanas, tu m'excuseras. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on a des pièces qui sont. Qui sont évoluées, donc égalité, fraternité. Elles sont évoluées. Il t'excuse, hein, Santanas, il t'excuse. Donc, dessus, c'est une petite dame que j'ai là. Moi, j'ai une pièce d'un franc sous les yeux. Donc, c'est une Marouane, dame. C'est Marouani. Et derrière, devant, c'est marqué, si je pouvais avoir un peu plus de lumière. Je vais regarder. Dessus, c'est marqué, quoi, égalité, fraternité. Et égalité, fraternité, paternité. Donc maintenant, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre sur l'euro, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. J'ai une question à te poser. Oui. C'est le petit pénis. Par contre, j'ai entendu dire pour l'instant, bon, on a des pièces, le franc, c'est des pièces rondes. Mm-hmm. Est-ce que les euros ronds seront carrés ou toujours ronds? Parce que moi, on m'a dit, j'aimerais avoir ta confirmation qu'il sera possible qu'il y ait des pièces carrées. Non, mais non. Non. Les pièces seront toujours rondes, ouais. ne changeront pas. Mais ce qu'il faut se dire dans la tête, maintenant, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. L'euro, pour vous, qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que, pour vous, l'euro, par rapport à un franc, maintenant, l'euro est évalué à 6 francs, 6,55,97. Ouais, donc, ils vont arrondir. Apparemment, ils vont arrondir. Attendez, laissez-moi finir parce que là, okay, ils vont arrondir à 6,60. Donc, pour vous, est-ce que pour nous, à l'heure actuelle, nous les jeunes, même les personnes âgées, est-ce que ça va pas leur faire quelque chose? Comment parce que le franc ne sera pas changé avant 2003. Donc, au bout de 2003. Dès qu'ils vont sortir l'euro, faudra aller à la Banque de France. Mais moi, je vous demande à vous, à tous qui nous écoutez, même vous les auditeurs, comment qu'on va faire pour payer? Parce que là, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on paye encore en francs. Vous retirez de l'argent, hein, c'est marqué en francs et en euros. Ouais. Vous pouvez imaginer, hein, Gérard. Est-ce qu'ils pourront rendre des centimes quand on payera en euros, c'est-à-dire en francs? Ah, voilà. Voilà la question. Gérard. Donc, l'euro, il est à 6,60. Donc, 6,60, ouais. Ça fait... L'euro, il est à 6,60. Ça fait combien, ça? Ça fait 7,40. Tiens... Qui c'est qui peut me calculer 6,60 multiplié par 10? Et Gérard, oui. Pour les machines à sous, 6,60 par 10. Vas-y, essaye avec la machine. Gérard, c'est Dutchmar, je peux répondre? Oui. La question, là, ouais, bah, c'est clair que sur le Monopoly, ça va être galère, parce que s'il faut donner 2 rouleaux de pièces et un billet pour acheter un hôtel rue Courcelles, c'est pas gâté, quoi. Ben ouais, ben bon, allez, en fin de compte, je crois qu'on va s'arrêter sur ce débat-là. Gérard, sinon, il y a Turpentine qui te demande si ton boucher, il vend de l'euros beef. Bah. Ouais. Moi j'ai acheté le reblochon, c'est mon fromager. Ouais. Bon, en fin de compte, d'après ce qu'on m'a calculé, mais j'espère que c'est bon. Normalement, 1 franc, ça fait 5 francs, ça fera 5,61 €. C'est fou ce que tu dis. C'est clair. Enfin, on est aidé avec ça, en plus. Hein. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Attends, répète. Ça fera 5,61 €. C'est fou ce que tu dis. Ouais, t'as raison. En France, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Gérard, sur IRC, il y a des V1 qui dit que tu parles de l'euro, mais pas assez des super euros. Ouais, mais on va pas parler des super héros, hein. On n'est pas là pour faire les super héros, hein. On parle de l'euro. Ben, l'euro, parce que l'euro maintenant est sorti depuis. On est le combien? Et il est où? On a fait un petit tout à l'heure. On est le combien là? Le 7. On est le 7 janvier 99. Depuis le 1er janvier, l'euro est sorti. Alors donc maintenant, l'euro est sorti. En boîte. Maintenant, c'est dans les banques, vous pouvez avoir des chéquiers et des cartes. Vous pouvez avoir des chéquiers et des cartes évaluées en euros. Donc maintenant, c'est à vous de faire attention, c'est tout. Et Gérard, pour les machines à sous, on fait comment? Oui. Pour les machines à sous, les parcs-mètres, on va faire comment? Ben, ça sera pareil, mais ça, faut attendre, parce que pour un instant, ils ont. Mais non, mais. Ils vont descendre. Mais non, mais ils ont pas encore. Gérard, ils ont pas le temps encore. Il y a un nouvel auditeur. Alors, à la place de Marie-Alem, on va accueillir le Romain Michel, de 20 ans de Nice, et la fréquence est 93.3 FM. Ok? Allô? Bonjour à tous. Salut Romain. Salut, bonsoir. Bonsoir, je suis Romain Michel, donc responsable du service économique Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'euro. Et spécialiste de la sodomie chez le peuple inuit. Salut le bohémien. Salut gamin. Vous restez poli avec. Attends, Romain. Pose-moi tes questions. Attends, il a dit. Non, mais attends, Romain. Il a dit. Déjà, je vais calmer les autres. Ouais, calmez-vous là. Vous calmez, s'il vous plaît. Pour okay. Pour calmer justement, il y a. Gérard, voilà. Attends. C'est Euro, Manichel, c'est pas Romain. Ah, Euro, ok. Et sinon, sur IRC, il y a Rennes qui te demande s'ils vont sortir des nouveaux épisodes de Titi Eurominet. Non, mais ça c'est un débat qu'on fera la semaine prochaine, les dessins animés. C'est un débat qui est prévu pour la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. C'est vrai que t'as Bibi Foc à la maison quand même. Alors, Bibi Foc à ton merde, ok, toi, tu as perdu foutre. Ton cul. Allez hop, dégage. Allez, t'es des euros dans ton porte-monnaie. Ouais, ben maintenant on fait la conclusion. Jouez-toi. Ouais, c'est ça. Non, GG, moi je voulais soulever ces questions. Tu comptais sur moi, c'est tout. Je voulais soulever une question qu'on avait déjà abordée. Vas-y, c'est bon. Je voulais soulever une question qu'on avait déjà abordée dans un précédent débat. Vas-y, soulève avec tes petits bras. Mais j'y arrive pas, je trouve pas là. Mais faut chercher, hein. On aime pas ça. Tu donnes des conneries, toi. Bon, moi j'ai des jeux de mots foireux. Attends. Gérard, c'est le journal de Mickey sur l'euro. Non, mais j'en ai rien à foutre. L'euro à Berlin aussi. Ça vient d'Euro Disney, c'est bon. Voilà. Faut pas l'insulter, d'accord. Tu fais ton boulot correctement. Hop, terminé. Allez, Laurent Boulzil avec fais-moi craquer. Et la conclusion, tout ça. Gérard, s'il te plaît, pour les internautes, on est à 5890. Ça monte. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire le titre calmement? Merci. Non, mais il y a la conclusion, tout ça d'abord. Non, c'est après les deux disques. Après les deux disques, on va vers l'autre débat. Alors, donc, malgré qu'on n'a pas pu faire le débat complètement parce qu'il y a eu des petits problèmes standard. Bravo, merci de nous avoir foiré le truc. On m'a pas bien expliqué, je suis désolé. Non, c'est pas... Merci Gérard. Non, c'est pas elle, parce que c'est la première, c'est le premier débat qu'elle fait, donc c'est toi qui fous ta merde. Donc ça, t'es pas capable de faire un boulot correctement, t'as les idées cette année de me faire chier, donc tu vas faire comme 98. Mais tu ne feras pas comme 98, parce que sinon, ça fait comme tout à l'heure. C'est éclate. Non, moi, je ne me mets plus à côté de lui, alors. Ouais. Parce que je vais te dire une chose, que moi aussi, je suis amoché. Oui, mais c'est pas le débat. T'as rien eu. Conclusion. Donc, conclusion. Alors, pour vous, l'euro, ce que ça représente, on n'a pas été loin sur les questions, c'est dommage. Donc, on va demander à Tirlire. Moi, je dis que de toute façon, ça sera profitable pour le gouvernement. Et tout ça, c'est incontestable et indéniable. Mmh. Euro Manichel. Ouais, Gérard, tu peux répéter la première question du débat? Je voulais répondre. Ouais, je voulais te dire que... Non. Euro Manichel. Oui, je voulais te dire que j'étais très fier d'avoir fait une minute de ton débat. Ouais. Et je te souhaitais une bonne année. Eh ben, moi aussi. Moi, de toute manière, je la souhaite à tous ceux qui viennent de participer avec nous. Rigaud, oui. Oui, il y a une conclusion intéressante de Turpentine sur l'IRC. Elle trouve que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bon, ben ça, de toute manière, c'est toutes les semaines que j'entends ça, que mes débats n'ont ni queue ni tête. Alors, dans ces cas-là, je vous préviens. Oui, mais comme toi. Ouais, mais moi, je vous préviens, dans ces cas-là, si vous voulez que je fasse des bons débats, trouvez-moi des thèmes. Envoyez-les au 20 rue Bayer, 75 008 Paris, à Fun Radio, et vous les mettez à l'intention de Gérard. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse comme débat, mais pas des débats pourris. D'accord? Pourri. Gérard, je vais te choper à la sortie de la radio, t'as ta gueule. Ouais. Pour le fun. Gérard, il a rien fait. Assis-toi, conclusion, disque. C'est rien, c'est un auditeur qui vient te niquer. Gérard, j'ai une question à te poser. Gérard, tu verras ça pendant le disque, assis-toi. Assis-toi, Gérard. Assis-toi, conclu. Casser les couilles. Tu pourrais. Tu peux répéter, je parlais. Hein? C'est toutes les semaines que tu balances ça. Ah oh ouais, il savait pas jouir. Hein, c'est cela. Hein? L'autre connasse de Christine, je l'emmerde, elle. Il montait sur moi, c'est tout. Hein? T'as radio, c'est tout. Je déconne. Allô, Gérard? La conclusion, GG. Il jouait pas. Allô, GG. Bah voilà! À qui tu balances ça encore? C'est pas moi! Non, c'est pas toi, c'est ma sœur. Allez, conclusion. Jean-Sylvie. Non, Jean-Sylvie est parti. Hein. Ouais, non. Petit pénis. Eh ben, écoute, moi, je pense que ça sera impeccable. Et puis voilà, quoi. Mais en 2002. Et est-ce que tu crois, Gérard, qu'il pourrait remettre la date 2002 ou ça se passera bien en 2002? Non, pour l'instant, ils ont pas prévu de changer. Normalement, c'est bien prévu pour 2002. Ils n'arrêtent pas d'en parler constamment sur dans les infos. Ben, formidable. Il n'y aura pas de changement, donc. Non. Vous voyez. Ouais, GG. Oui. GG, ouais, c'est Pépito, c'est celui qui est arrivé pendant que tu jouais à Tekken 4 avec Fiddler. Ouais. À quoi? À Tekken 4. Ah ouais. Voilà. Gérard. Oui. Gérard, une question vient de me traverser l'esprit. M6 en euros et France 2, tout ça, TF1, les chaînes, ça va devenir quoi en euros? Ah. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé de changer les chaînes en euros. Hein. Bah, ça, mais non, mais attends, c'est pas parce que mon chef il travaille. Non, mais moi, je sais qu'on en a parlé à M6, et comme c'est 6, c'est que maintenant il faut que la chaîne, le chiffre passe en euros, donc ça s'appellera peut-être M1,54. Non, mais on ne sait pas encore. Maintenant, c'est pour TFA, parce que 1, ça va passer M00. Ouais, mais on ne sait pas. C'est possible. TF0. On ne sait pas. On ne sait pas, chef. Gérard. S'il vous plaît, derrière, merci. Il y a une autre conclusion sur l'IRC. Conclusion de Yankee, il dit qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui comprennent rien, vu que les routiers ne savent pas compter. Et sinon, il dit que c'est encore un débat où tu parles de ce que tu ne connais pas, vu que tu n'as pas d'argent. Ouais, mais alors là justement, là, le mec, là, il est con. Parce que moi, je vais te dire une chose, c'est que ce matin, avec Sandy, on était à la poste, et j'ai regardé, et son truc en euros, c'est vraiment de la saloperie. Pas possible. Tu retires avec ta carte, dessus t'as marqué en francs et en dessous c'est marqué en euros. Tu ne comprends que dalle. Et là pour les routiers, moi je plains les routiers qui vont passer. Non mais je plains les routiers, les chauffeurs de taxi, même les bureaux de tabac. Quand ça va être en euros, ça va être impossible. Pourquoi? Parce que les cartes, ça se trouve qu'à l'heure actuelle, je sais pas si quelqu'un a pris le péage là entre ouais, nous. Ouais, j'ai pris moi, Gérard. Ouais, toi, dégage, toi. C'est pas toi que je m'adresse. Toi, je veux plus t'entendre parler. Max, t'as pris le péage ce week-end? Ouais. Non, mais parle devant ton micro. Oui, pardon, oui, d'accord, comme ça. Ouais. Et là, alors, ouais. T'as pris le péage, ouais. C'était... Ah bah c'est impossible, Quand ils t'ont rendu ton ticket pour te faire rembourser, c'était marqué en quoi? En euros. En français, avec l'euro derrière, on comprend rien, c'est impossible. Ouais. C'est inadmissible et c'est incorrigible. Qu'est-ce qu'il y a? Manu, quoi? T'as gagné un paquet de clopes sur le coup, là. Quand même. Manu, quoi? Ok, je viens de te voir faire. Si. Je sais pas. T'inquiète pas parce que les boîtes là tu aimes les retirer. Ils font des essais. Ils jouaient pas. Ouais, c'est ça. Toi, Rigo, ce oui, week-end. C'est moi. Oui, ce week-end, ouais, quoi. T'as pris le péage? Non, je l'ai pris pour les fêtes, mais. T'as remarqué dans le métro, nous étions assis. C'est quoi ça? Je dirais l'un en face de l'autre. Nous nous sommes regardés. Nous sommes. Donc conclusion, le Gérard, je crois. C'est du regard. Vas-y. Maintenant, on s'écoute. Laura Woodsy avec faites-moi craquer les bourses et après un remix sur de moi-même. Le deuxième débat se portera sur les nains de jardin en espérant que ça soit moins la merde que le premier. Merci.